MC engagé, qui ne rentre pas dans la tendance. Son instru, je suis enragé et je prends l'indépendance. Je me demandais qu'est-ce qui fait la différence entre passer à la télé ou bien rapper dans l'indifférence. Version authentique, j'ai la rime automatique. Mon flow est dramatique, mon style emblématique. Mon talent problématique, chaque musique est thématique. Et y'a rien de mathématique, me demande pas pourquoi Guillermo est lunatique. Avec ma clique, on est là pour défoncer. Alors sur chacun truc, ma clique, c'est comme du sport. Il faut se dépenser, je suis jamais distancé. Tu contredis, mais qu'est-ce t'en sais. Si je claque, je vais te blesser, tu ne seras qu'indispensé. Indispensable comme Messi au Barça. Que dois-je dire à part ça. Un grand merci à certaines personnes que je ne veux pas percer, que je tire sur le showbiz. Que la haine, je la connais. Tous les matins, je fais la bise. Dans tout ce que je fais, j'ai toujours la baraka. Dans le rap, je suis l'espoir comme monsieur Barack Obama. Je viens du Saint-Croix et je représente la vanne. Notre hip-hop va vous couler comme dans une bataille navale. Ouais, ouais, le mot de la fin, il sera pour mes cassos. Avec tout le respect, je vous dois, vous êtes devenus mes assos. C'est qu'ensemble, tous les trois, les rumeurs, on les écarte. Et que personne n'a le droit de nous tirer dans les pattes.